Paris et les Parisiens en 1835 de Francis Trollope, tome 2e, lettre 31e. Exposition des porcelaines et des tapisseries au Louvre, le père et le fils, je voudrais que cela fût impossible. Nous revenons d'une exposition qui se fait au Louvre, exposition magnifique à la vérité, mais qui dédommage bien faiblement des trésors cachés de la galerie. Plusieurs vastes salles sont consacrées à exposer des tapisseries et de la porcelaine, et quoique nous eussions certainement préféré y voir autre chose, on ne saurait disconvenir que ces salles ne renferment plusieurs objets aussi admirables peut-être dans leur genre qu'aucun de ceux produits par les branches plus élevées de l'art. La copie sur porcelaine d'un portrait de la maîtresse du Titien, et plus encore peut-être la Vierge et Saint Jean regardant dormir l'enfant Jésus de Raphaël, sont, à mon avis, ce qu'il y a de plus remarquable, l'un et l'autre de ces tableaux étant de la même grandeur que les originaux, et exécutés avec une perfection de coloris qui est réellement inconcevable. Que la fragile terre dont la porcelaine est fabriquée se prête ainsi au talent de l'ouvrier, ou pour mieux dire que le talent de l'ouvrier triomphe des innombrables chances qui s'opposent à ce qu'un morceau de porcelaine de cette dimension sorte du four sans se casser, c'est là une chose réellement merveilleuse. Mais ce qui est plus merveilleux encore, c'est le talent qui a pu permettre à l'artiste de prédire qu'en peignant ainsi du gris et du vert, les teintes uniformes qui découlaient de son pinceau prendraient, grâce à l'action bien réglée de l'élément le plus difficile à gouverner, des nuances imitant parfaitement les couleurs de son grand original. Cependant, après avoir fait cet aveu, je ne trouve plus rien à dire en faveur d'un tour de force que l'on obtient, selon moi, que par le sacrifice du bon sens. Les chefs-d'œuvre d'un Titien, d'un Raphaël, sont des tableaux dont nous pourrons légitimement désirer de posséder une imitation. Mais pourquoi la faire de la manière la plus difficile, la plus laborieuse, qui manquera le plus probablement dans l'exécution et qui, une fois faite, sera la plus sujette à destruction? Sans oublier qu'après tout, il y a dans la copie la plus parfaite sur porcelaine quelque chose qu'il m'est impossible de définir, mais qui ne satisfait pas l'esprit. Quant à ce qui me regarde personnellement, je pourrais aller plus loin et dire que l'effet ainsi produit m'est positivement désagréable. Il ressemble à celui qui est produit par l'examen d'un travail à l'aiguille fait sans doigts ou d'une admirable découpure en papier exécutée avec les pieds au lieu des mains. L'admiration que l'on impose dans ce cas s'adresse moins à la chose elle-même qu'aux moyens très défectueux qui ont été employés pour la produire. À la vérité, s'il n'y en avait pas d'autres, l'inventeur mériterait une statue, mais puisqu'il n'en est pas ainsi, j'avoue que j'aime mieux voir une bonne copie sur toile que sur porcelaine. L'effet produit par cette belle et ingénieuse branche de l'art est bien différent quand elle s'applique à l'embellissement de tasses, d'assiettes, de vases et de plateaux à thé. Je n'ai jamais rien vu de plus gracieux et de mieux approprié, par l'élégance des formes, à l'usage comme à l'ornement, que les divers objets de ce genre exposés cette année au Louvre. Il est impossible de leur accorder toute l'admiration et tous les éloges qu'ils méritent, ni de se dissimuler que malgré les grands perfectionnements que cette branche de nos manufactures a fait depuis 30 ans en Angleterre, nous n'avons encore rien qui puisse se comparer au beau modèle de porcelaine de Sèvres. Ces salles, comme tous les lieux à Paris où des êtres humains savent qu'ils se rencontreront, étaient remplis de curieux, et je n'ai jamais entendu d'aussi vives expressions d'admiration que celles qu'ont excitées quelques-uns des objets exposés. Il faut convenir aussi qu'ils sont d'une bien grande beauté, la forme, la matière, le travail, tout est parfait. Il faut, je pense, qu'à la manufacture de Sèvres on ait attaché certaines personnes qui ont fait leur étude spéciale de la théorie des couleurs. Il vaut certainement la peine de faire le tour de la table, ou plutôt de la plateforme, qui s'élève au milieu de la salle et d'examiner, dans chaque service, l'effet produit par le seul arrangement des couleurs. Ce qu'il y avait de plus beau, après les merveilleuses copies de tableaux dont j'ai déjà parlé, était de petits déjeuners, pour deux personnes, je pense, renfermées dans de grandes boîtes doublées en satin ou en velours blanc. Ces boîtes sont toutes ouvertes pour qu'on puisse les examiner, mais protégées contre une approche indiscrète par une forte barre de cuivre. Le couvercle est fait de manière à contenir précisément le plateau, tandis que les objets qui doivent être placés dessus sont arrangés, chacun dans sa petite case, avec tant de soin et tant d'attention à l'effet général que tout paraît à la vue de la façon la plus avantageuse. Quelques-uns de ces services sont ornés de fleurs, d'autres de paysages, et d'autres enfin de figures ou de portraits en miniature de personnages remarquables, soit par leur beauté, soit par leur illustration. Ces belles peintures, tout admirables qu'elles étaient, pour le dessin et l'exécution, m'ont cependant moins frappé que le goût parfait avec lequel la couleur dominante de chaque service, soit comme fond ou comme bordure, est combinée pour harmoniser avec les ornements qui s'y trouvent placés. Indépendamment du plaisir que peut causer un examen plus approfondi, on éprouve une véritable satisfaction à jeter un coup d'œil sur l'effet général à cause du goût et du talent consommés qui ont été déployés sous ce rapport. Ces curieuses affinités et antipathies dans les couleurs, sur lesquelles j'ai vu faire bien de singulières expériences, ont, sans aucun doute, été étudiées pour servir de base au travail du maître coloriste de chaque branche de la fabrique, et le résultat en est pour moi un plaisir aussi distinct de l'examen du dessin ou de toute autre circonstance qui se rapporte à l'art que celui que produit l'odeur de la rose ou de la fleur d'orange. L'œil semble flatté et satisfait sans que l'on se rende compte de la cause et se repose sur ces nuances riches, douces ou brillantes avec une satisfaction qui approche même du bonheur. Toute personne qui s'occuperait de la délicieuse tâche de meubler un somptueux salon devrait faire le tour d'une salle remplie de porcelaine de Sèvres. L'importante question des couleurs qu'il faut marier ensemble y serait résolue avec l'agréable certitude de ne pas commettre le moindre solécisme contre le bon goût. Les modèles de tapisserie des Gobelins et de Beauvais, pour fauteuils, écrans, coussins et une foule d'autres objets, sont très nombreux cette année. Ils sont fort beaux de dessin et d'exécution, et aujourd'hui que la noble magnificence du siècle de Louis XV est redevenue à la mode, pour se conformer, dit-on, au goût du duc d'Orléans, cette coûteuse manufacture va sans doute de nouveau fleurir. Un salon vaste et élevé ne saura jamais présenter un air de véritable magnificence à moins d'être ainsi décoré, et la manière dont le style travaillé des anciens ornements est maintenant adapté à l'usage moderne est aussi ingénieuse qu'élégante. Quelques économistes politiques parlent de l'avantage qui résulte pour les nations de la diminution du travail occasionné par les machines, tandis que d'autres, au contraire, sont les partisans de toute espèce de mode qui exige le travail des mains. Je n'essaierai point de décider de quel côté se rencontre la sagesse, mais dans la condition imparfaite où les femmes se trouvent aujourd'hui, il me semble que tout ce qui leur procure une occupation innocente et profitable devrait être favorisé. Il n'y a certainement point d'aiguille au monde aussi adroite que celle de la France, et quand on les fait travailler d'après les dessins qui rivalisent en élégance des loges du Vatican, il en résulte une perfection de broderie contre laquelle toute tentative de concurrence doit échouer. En continuant à marcher le long de la barrière qui renfermait les objets exposés, marche nécessairement très lente à cause de la foule, je me trouvais derrière un homme de haute taille, d'une tournure tout à fait aristocratique. Il était accompagné de son fils. Je dis son fils, car il eût été impossible de le renier. Jamais je ne vis de ressemblance aussi frappante. Leur conversation que j'entendais, sans être coupable d'indiscrétion, car il m'eût été impossible de l'éviter, m'amusa beaucoup. Il est rare que je me trouve ainsi en contact avec des personnes qui me sont tout à fait étrangères, sans essayer de deviner quelle peut être leur profession et leur position dans le monde. Mais dans cette occasion, toute ma sagacité fut en défaut. Il me semblait que je lisais un roman, dont le dénouement était si bien caché qu'on ne pouvait le prévoir. Le père et le fils n'étaient pas du même avis. Leurs observations étaient faites dans l'esprit de deux partis différents. Le père me parut être royaliste. Quant au fils, je suis sûr qu'il était un jeune doctrinaire. La foule s'arrêta longtemps devant une magnifique exposition de pièces de broderie destinées à des sièges et d'autres fauteuils. « C'est pour le duc d'Orléans, » dit le père. « Oui, oui, » répondit le fils. « C'est bien digne de lui. C'est fait pour un prince. »« Dites pour un roi, » reprit le père en soupirant. Le jeune homme garda un moment le silence. Puis il dit, avec intention, pour me servir d'une expression d'usage parmi les dramaturges, « Mais lui aussi, il est fils de Saint-Louis, n'est-ce pas ?» Le père ne répliqua pas, et la foule continua d'avancer. Tout ce que je pus découvrir de ce court entretien, c'est que la personne qui soufflait l'enfant, soit homme ou femme, était un fidèle disciple du « parce que », et il est certain que, bien que cette doctrine renferme peut-être quelques restes de fidélité équivoque pour la branche aînée, elle n'en est pas moins le meilleur motif que l'on puisse alléguer pour s'attacher à la dynastie régnante. Dans la dernière salle de cette enfilade de galeries, on a exposé de magnifiques tapisseries d'après les tableaux de la vie de Marie de Médicis par Rubens. Il est incontestable que ces énormes combinaisons de points ont dû présenter une masse de travail d'une difficulté extrême. Mais malgré mon admiration pour les aiguilles et les navettes françaises, je suis tenté d'ajouter avec notre inexorable moraliste, plutôt ciel que cela eût été impossible.